Merci à Étienne de Normandie de nous avoir offert ce petit chapeau tyrolien. Et puisqu'on parle de Tyrol, on parle de neige, on parle de froid, eh bien, on va écouter un air tyrolien par monsieur Mimile, Émile Prudhomme. Youhou ! Thank you. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Accordéon parade. C'est Michel qui vous propose cette émission. Une heure d'accordéon, 100% musette sur la bande FM. Et puis, accordéon parade, c'est le bonjour de l'accordéon. En ce moment, c'est Albert Huard qui nous interprète l'indicatif de l'émission Accordéon Musette, un morceau qu'il a composé vers les années 30. Il y a quelques instants, c'était le fils, Albert Huard Junior, qui nous a présenté La Belle de Francisco. Oui, La Belle de San Francisco. Maintenant, nous allons faire un petit tour en Suisse, ou plutôt c'est monsieur André Verschuren qui s'amuse avec l'écho suisse. André Verschuren. Thank you. c'était Monsieur André Verschuren qui vient de nous interpréter Écho Suisse. Et puis, s'il y en a un qui est amoureux ce dimanche, c'est le Passe Double. C'est parti. bah ça rentre. Et oui, un grand bravo à Frédéric Buch qui vient nous danser, qui vient nous interpréter la soyotte. Et je vois, vous, madame, vous, monsieur, que vous savez bien danser la soyotte et ça nous vient des Vosges. Allez, une merveilleuse valse. Nostalgie musette. Tendance, l'orchestre tendance. We'll be right back. vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Ah oui, c'est Accordéon Parade que vous écoutez. Une émission que vous propose, que vous présente Michel tous les dimanches. Entre 9h et 10h. Et l'émission est rediffusée le mardi de 10h à 11h. Et passez la volée. Et Accordéon Parade, c'est le bonjour de l'accordéon, c'est le plateau d'accordéoniste. Une émission pour les mordus du dépliant, 100% musette de la bande FM. Et hop là, et ça tourne. Continuez, messieurs. Deux accordéonistes sont là, Florent et Mathieu, deux sympathiques accordéonistes qui nous viennent de la région de Vesoul. Et ce sont deux accordéonistes qui, à eux deux, ont peut-être 45 ans, 46 ans, à eux deux. Thank you. Et croyez-moi, c'est pas triste la valse, c'est Bruno Laurandoni qui nous le dit. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Merci à André Lope qui vient de nous interpréter Andrea, Andrea. Et c'est grâce à Monsieur Édouard Duleux que André Lope joue de l'accordéon, puisque puisque André Lope avait vu plusieurs fois André avait vu plusieurs fois Édouard Duleux jouer de l'accordéon et ça a donné la maladie de jouer de l'accordéon. Alors c'est à 16 ans qu'André Lope a commencé à jouer de l'accordéon. Et puis je vous signale que c'est bien Accordéon Parade que vous écoutez, une émission que vous propose Michel tous les dimanches. Et puis Michel est en podcast sur Sorgia FM, c'est sur internet, Sorgia FM, podcast, Accordéon Parade, et vous avez l'émission d'accordéon pendant une heure. Et voire plus. Et on va continuer avec un sympathique accordéoniste qui nous vient du Portugal, Rodrigo Mauricio, qui va nous interpréter un air de son pays. Allez, vas-y Mauricio! Merci à ce sympathique accordéoniste qui nous vient du Portugal. C'est un sympathique accordéoniste maintenant qui va nous interpréter un morceau de sa composition qui date de 1930. C'est Monsieur Marceau que j'ai eu le plaisir de rencontrer à Gonesse-sur-Marne et à Annecy. Merci à Monsieur Marceau, pionnier de l'accordéon. Et maintenant, un autre pionnier de l'accordéon, c'est Émile Vacher, l'empereur du musette. Émile Vacher qui aimait bien jouer aux courses et il avait composé une polka Auteuil-Longchamp. Et c'est ce que nous allons écouter ce dimanche matin. Écoutez ce virtuose de l'accordéon. Thank you. Merci à Louis Courchia et son joyeux papillon. C'était Monsieur Louis Courchia. Et merci à Dominique Alain de nous avoir interprété ce merveilleux paso doble. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Voilà, c'est fini pour Accordéon Parade. On se retrouve dimanche prochain, bien sûr, mais on se retrouve mardi pour la rediffusion de l'émission. Ou alors sur Popcast, Internet, Popcast, sur GFM. Et là, vous avez le choix entre les émissions de sur GFM. Je pense que vous avez passé un agréable moment avec mes amis accordéonistes. Pas la semaine prochaine, mais dans 15 jours, je vous réserve une surprise. Enfin, une surprise. Oui et non, mais je vous réserve quand même une petite surprise. Et à toutes fins utiles, je vous rappelle qu'Accordéon Parade a été réalisé, programmé, mis en onde et présenté par votre serviteur Michel. Sur ce, passez un bon dimanche, une bonne semaine, un bon mardi puisque l'émission est rediffusée mardi. Et à bientôt, bye bye! Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Un coup de clic, un coup de claque. Michel a changé de studio. Pour une heure de détente, une heure de bonne humeur. Et ça, c'est tous les dimanches, 10h-11h. Comment allez-vous, auditrices, auditeurs de Sorgia FM ? Je pense que vous allez bien. Je pense que vous avez reculé l'aiguille de votre montre. Puisque nous avons pris l'heure d'hier, l'heure d'hiver, voilà, cette nuit. Et ce matin, quand on a ouvert les volets, où tout était blanc sur le sorgia, est tout blanc, la neige est là. À hauteur de Mentières, voire un tout petit peu en dessous. Je vais passer une heure en votre compagnie. Ça va être de la détente, de la bonne humeur. Aujourd'hui, c'est un souvenir. Un souvenir qui date de 69 ans. Et oui, il y a 69 ans, le 28 octobre 1949, disparaissait notre grand sportif, notre grand boxeur, Marcel Cerdan. Il était dans l'avion qui l'amenait en Amérique pour reconquérir le championnat du monde de boxe. Malheureusement, l'avion s'est écrasé dans les Andes. Et Marcel a disparu. Et il avait 33 ans. Le bombardier marocain Marcel Cerdan, oui, il avait vu le jour en 1916 à Sidi Bel Abbès, mais il avait fait sa jeunesse au Maroc, à Casablanca. Et puis dans l'avion avec lui, il y avait une grande violoniste, Ginette Neveu. Il avait 30 ans. Et on écoutera au cours de l'émission, j'ai retrouvé dans mes 78 tours, Ginette Neveu jouer du violon. Alors on écoutera un extrait de ce 78 tours. Et tout ça, eh bien, c'était le 28 octobre 1949. Je m'en rappelle très bien puisque sur Radio Luxembourg et Radio Monte Carlo, on a parlé de cet événement-là. C'est tout une fois, après on n'a plus rien dit. C'est pas comme maintenant où ça aurait tenu des heures et des jours. Et puis vous savez pas. Quand la musique est bonne le dimanche, eh ben on écoute sur GFM Jean-Jacques Goldman. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Et oui, vous êtes bien sur les 91 MHz et en compagnie de Michel. Et nous allons commencer les dédicaces ce dimanche, puisque vous avez été nombreux à téléphoner au 04 50 56 01 48 pour demander des disques demandés. Eh bien, nous allons écouter Daniel Guichard qui va nous interpréter « Faut pas pleurer comme ça ». Pour Steve, parti rejoindre les étoiles trop tôt, il y a 11 ans, tu manques toujours autant à ta famille, on pense chaque jour à toi. »

seule au coin de la rue là-bas. Les filles qui font la gueule, les hommes n'en veulent pas. Et tant pis si elle crève, son homme ne reviendra plus. Adieu tous les beaux rêves, sa vie elle est foutue. Pourtant ses jambes tristes l'emmènent au boui-boui, où il y a un autre artiste qui joue toute la nuit. Elle écoute la java, elle entend la java, elle a fermé les yeux, les doigts secs et nerveux. Ça lui rentre dans la peau par là-bas, par là-haut. Elle a envie de caler cette physique. Alors pour oublier, elle s'est mise à danser, à tourner au son de la musique. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Vous aimez l'accordéon? Eh bien, chaque dimanche sur votre sympathique radio Sorgia FM, Michel vous propose Accordéon Parade. Accordéon Parade, c'est le bonjour de l'accordéon. C'est le plateau d'accordéonistes tous les dimanches entre 9h et 10h. L'émission est rediffusée le mardi à partir de 10h. Toujours sur votre sympathique radio sur GFM. Ah, j'ai oublié. Vous pouvez écouter nos émissions de radio sur GFM, bien sûr, mais aussi en podcast sur Internet. Facile, facile. Sur GFM, Popcast, et voilà les émissions qui s'affichent. À vous de choisir. Avant d'écouter les Charlots dans quelques instants, eh bien, comme je vous ai dit à 10h, je vais faire un coucou à Ginette Neveu, grande violoniste qui nous a quittés à l'âge de 30 ans le 28 octobre 1949 dans l'avion de Marcel Cerdan. Eh bien, Ginette Neveu va nous interpréter un extrait de De Falla. Ginette Neveu au violon. Thank you. grande dame du violon qui nous a quitté, voilà, 69 ans aujourd'hui, avec Marcel Cerdan dans un accident d'avion. Et bien maintenant, on reprend le cours d'émission avec une petite dédicace. On va écouter les Charlots qui vont nous interpréter Trop, c'est trop pour Annie de Chanet. Et c'est de la part de Paul de Lancran. Un grand merci pour notre soirée délicieuse. Trop, c'est trop. Les Charlots. La boîte était pleine à craquer. Quel pied, quel pied, quel pied, quel pied. Il faisait plus chaud que dans le métro. C'est trop, c'est trop. C'est trop, c'est trop. Une nana passe dans mon orbite. Je me dis, je vais lui faire voir ma. Au sens que c'est fort la sono. Ma façon de danser le slow. Elle était super bien fringuée. Quel pied, quel pied. Avec un look un peu rétro. C'est trop, c'est trop. C'est trop, c'est trop. Je m'approche d'elle et fais à l'aise. Je lui dis, veux-tu que je te. On sent que c'est fort la sono. Veux-tu que je te paye un pot. Quel pied, quel pied. Quel pied, quel pied. Je prendrais bien une veuve cliquot. C'est trop, c'est trop. C'est trop, c'est trop. Je me dis ça, c'est lumineux. Cette fille, elle veut me pomper. À bon sens que c'est fort le son. Veut me pomper mon pognon. Bon sens que c'est fort la sono. J'aime bien tes bottes en propos. Fais sentir mon mépris. Que c'est pas la sono. Que c'est pas la sono. Que c'est pas la sono. Que c'est pas la sono. Que c'est pas la sono. Que c'est pas la sono. Après les Charlots, eh bien nous allons écouter l'orchestre Tendance qui va nous interpréter Une fleur, rien qu'une rose. Et c'est pour le plaisir personnel d'Arlette. Thank you.

si vous aimez l'accordéon, eh bien Michel vous donne rendez-vous tous les dimanches à partir de 9h. Youhou ! Pour son émission d'accordéon parade. Émission qui est rediffusée le mardi à partir de 10h. Et en podcast sur Surgi FM. Amateurs d'accordéon, n'oubliez pas sur GFM et bien sûr l'accordéon de Michel. Avec Accordéon Parade. Et oui, Accordéon Parade, c'est l'émission que propose Michel. Et il va y avoir bientôt 35 ans d'accordéon sur GFM. Dans quelques instants, je vais vous quitter. Je vous souhaite plein de bonnes choses cette semaine. Plein de bonheur. Je vous rappelle que l'émission ce dimanche a été programmée, présentée et réalisée par Michel. Passez un bon dimanche, une bonne semaine. Et à bientôt. Bye bye. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Thank you. s'endort, s'ennuie par les bois et les chemins. Tout se tait jusqu'à demain. Le froid blanchit les carreaux, mais dans nos cœurs il fait beau. Bien sortons de la maison et dansons sous les flocons. Quand la neige tombe, on est bien heureux. Le ciel presque gris nous paraît tout bleu. Quand la valse tourne comme un tourbillon, un manège de neige nous porte vers l'horizon. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz.